Exercice 5, page 132. A. Voilà le facteur. B. Voilà le coiffeur. C. Voilà le professeur. D. Voilà le vendeur. E. Voilà le serveur. F. Voilà l'avocat.